Nutri, après du pont Nutri, je me suis retrouvé avenue de Lens, là, je suis derrière le Gautier, moi. Il y a le garage Volkswagen. J'ai un petit pavillon là où je me plais, hein, c'est bien. Ouais, c'est tranquille. Ça fait 29 ans que je suis là-bas, je me porte pas plus mal. Les gens sont sympathiques, c'est près de la maison de retraite que j'habite. Les gens sont sympathiques, bon, on dit le quartier en cheval, mais... On m'ennuie pas, j'embête personne, je prends la vie comme elle est. Les filles, s'il pleut, on rentre. Ah bon?